chapitre 5e, dont la fin ne ressemble pas au commencement. Chapitre 1, la solitude et la caserne combinées. La douleur de Cosette, si poignante encore et si vive 4 ou 5 mois auparavant, était, à son insu même, entrée en convalescence. La nature, le printemps, la jeunesse, l'amour pour son père, la gaieté des oiseaux et des fleurs, faisaient filtrer peu à peu, jour à jour, goutte à goutte, dans cette âme si vierge et si jeune, on ne sait quoi qui ressemblait presque à l'oubli. Le feu s'y éteignait-il tout à fait? Ou s'y formait-il seulement des couches de cendres? Le fait est qu'elle ne se sentait presque plus de points douloureux et brûlants. Un jour, elle pensa tout à coup à Marius. « Tiens, dit-elle, je n'y pense plus. » Dans cette même semaine, elle remarqua, passant devant la grille du jardin, un fort bel officier de lanciers, taille de guêpe, ravissant uniforme, joue de jeune fille, sabre sous le bras, moustache cirée, chapska vernie. Du reste, cheveux blonds, yeux bleus à fleur de tête, figure ronde, veine, insolente et jolie. Tout le contraire de Marius. Un cigare à la bouche. Cosette songea que cet officier était sans doute du régiment caserné rue de Babylone. Le lendemain, elle le vit encore passer. Elle remarqua l'heure, à dater de ce moment. Était-ce le hasard? Presque tous les jours, elle le vit passer. Les camarades de l'officier s'aperçurent qu'il y avait là, dans ce jardin mal tenu, derrière cette méchante grille rococo, une assez jolie créature qui se trouvait presque toujours là au passage du beau lieutenant, lequel n'est point inconnu du lecteur et s'appelait Théodule Gillenormand. « Tiens, lui disait-il, il y a une petite qui te fait l'œil, hein, regarde donc. »« Est-ce que j'ai le temps, répondait le lancier, de regarder toutes les filles qui me regardent ?» C'était précisément l'instant où Marius descendait gravement vers l'agonie et disait « Si je pouvais seulement la revoir avant de mourir !» Si son souhait eût été réalisé, s'il eût vu en ce moment-là Cosette regardant un lancier, il n'eût pas pu prononcer une parole et il eût expiré de douleur. À qui la faute? À personne. Marius était de ces tempéraments qui s'enfoncent dans le chagrin et qui y séjournent. Cosette était de ceux qui s'y plongent et qui en sortent. Cosette, du reste, traversait ce moment dangereux, phase fatale de la rêverie féminine abandonnée à elle-même, où le cœur d'une jeune fille isolée ressemble à ces vrilles de la vigne qui s'accrochent, selon le hasard, au chapiteau d'une colonne de marbre ou au poteau d'un cabaret. Moment rapide et décisif, critique pour toute orpheline, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, car la richesse ne défend pas du mauvais choix. On se mésallie très haut, la vraie mésalliance est celle des âmes. Et, de même que plus d'un jeune homme inconnu, sans nom, sans naissance, sans fortune, est un chapiteau de marbre qui soutient un temple de grands sentiments et de grandes idées. De même, tel homme du monde, satisfait et opulent, qui a des bottes polies et des paroles vernies, si l'on regarde non le dehors mais le dedans, c'est-à-dire ce qui est réservé à la femme, n'est autre chose qu'un soliveau stupide obscurément hanté par les passions violentes, immondes et avinées. Le poteau d'un cabaret. Qu'y avait-il dans l'âme de Cosette? De la passion calmée ou endormie? De l'amour à l'état flottant? Quelque chose qui était limpide, brillant, trouble à une certaine profondeur, sombre plus bas. L'image du bel officier se reflétait à la surface. Y avait-il un souvenir au fond? Tout au fond? Peut-être. Cosette ne savait pas. Il survint un incident singulier. Chapitre 2. Peur de Cosette. Dans la première quinzaine d'avril, Jean Valjean fit un voyage. Cela, on le sait, lui arrivait de temps en temps à de très longs intervalles. Il restait absent un ou deux jours, trois jours au plus. Où allait-il? Personne ne le savait, pas même Cosette. Une fois seulement, à un de ses départs, elle l'avait accompagné en fiacre jusqu'au coin d'un petit cul-de-sac sur l'angle duquel elle avait lu « Impasse de la Planchette ». Là, il était descendu et le fiacre avait ramené Cosette rue de Babylone. C'était en général quand l'argent manquait à la maison que Jean Valjean faisait ses petits voyages. Jean Valjean était donc absent. Il avait dit « Je reviendrai dans trois jours ». Le soir, Cosette était seule dans le salon. Pour se désennuyer, elle avait ouvert son piano-orgue et elle s'était mise à chanter, en s'accompagnant, le chœur d'Euryanthe, chasseurs égarés dans les bois, qui est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans toute la musique. Quand elle eut fini, elle demeura pensive. Tout à coup, il lui sembla qu'elle entendait marcher dans le jardin. Ce ne pouvait être son père, il était absent. Ce ne pouvait être Toussaint, elle était couchée, il était 10 heures du soir. Elle alla près du volet du salon qui était fermé et y colla son oreille. Il lui parut que c'était le pas d'un homme et qu'on marchait très doucement. Elle monta rapidement au premier dans sa chambre, ouvrit un vasistas percé dans son volet et regarda dans le jardin. C'était le moment de la pleine lune, on y voyait comme s'il eût fait jour. Il n'y avait personne. Elle ouvrit la fenêtre. Le jardin était absolument calme et tout ce qu'on apercevait de la rue était désert comme toujours. Cosette pensa qu'elle s'était trompée. Elle avait cru entendre ce bruit. C'était une hallucination produite par ce sombre et prodigieux cœur de Weber qui ouvre devant l'esprit des profondeurs effarées, qui tremble au regard comme une forêt vertigineuse, et où l'on entend le craquement des branches mortes sous le pas inquiet des chasseurs entrevus dans le crépuscule. Elle n'y songea plus. D'ailleurs, Cosette, de sa nature, n'était pas très effrayée. Il y avait dans ses veines du sang de bohémienne et d'aventurière qui va nu-pied. On s'en souvient, elle était plutôt alouette que colombe. Elle avait un fond farouche et brave. Le lendemain, moins tard, à la tombée de la nuit, elle se promenait dans le jardin. Au milieu des pensées confuses qui l'occupaient, elle croyait bien percevoir par instant un bruit pareil au bruit de la veille, comme de quelqu'un qui marcherait dans l'obscurité sous les arbres, pas très loin d'elle. Mais elle se disait que rien ne ressemble à un pas qui marche dans l'herbe, comme le froissement de deux branches qui se déplacent d'elles-mêmes, et elle n'y prenait pas garde. Elle ne voyait rien d'ailleurs. Elle sortit de la broussaille. Il lui restait à traverser une petite pelouse verte pour regagner le perron. La lune, qui venait de se lever derrière elle, projeta, comme Cosette sortait du massif, son ombre devant elle sur cette pelouse. Cosette s'arrêta, terrifiée. À côté de son ombre, la lune découpait distinctement sur le gazon une autre ombre singulièrement effrayante et terrible, une ombre qui avait un chapeau rond. C'était comme l'ombre d'un homme qui eût été debout sur la lisière du massif, à quelques pas en arrière de Cosette. Elle fut une minute sans pouvoir parler, ni crier, ni appeler, ni bouger, ni tourner la tête. Enfin, elle rassembla tout son courage et se retourna résolument. Il n'y avait personne. Elle regarda à terre, l'ombre avait disparu. Elle rentra dans la broussaille, fureta hardiment dans les coins, alla jusqu'à la grille et ne trouva rien. Elle se sentit vraiment glacée. Était-ce encore une hallucination? Quoi? 2 jours de suite? Une hallucination passe, mais 2 hallucinations. Ce qui était inquiétant, c'est que l'ombre n'était assurément pas un fantôme. Les fantômes ne portent guère de chapeau rond. Le lendemain, Jean Valjean revint. Cosette lui conta ce qu'elle avait cru entendre et voir. Elle s'attendait à être rassurée et que son père hausserait les épaules et lui dirait « Tu es une petite fille folle !» Jean Valjean devint soucieux. « Ce ne peut être rien !» lui dit-il. Il la quitta sous un prétexte et alla dans le jardin. Et elle l'aperçut qui examinait la grille avec beaucoup d'attention. Dans la nuit, elle se réveilla. Cette fois, elle était sûre. Elle entendait distinctement marcher tout près du perron au-dessous de sa fenêtre. Elle courut à son vasistas et l'ouvrit. Il y avait en effet dans le jardin un homme qui tenait un gros bâton à la main. Au moment où elle allait crier, la lune éclaira le profil de l'homme. C'était son père. Elle se recoucha en se disant « Il est donc bien inquiet ». Jean Valjean passa dans le jardin cette nuit-là et les 2 nuits qui suivirent. Cosette le vit par le trou de son volet. La 3e nuit, la lune décroissait et commençait à se lever plus tard. Il pouvait être 1 heure du matin. Elle entendit un grand éclat de rire et la voix de son père qui l'appelait « Cosette !» Elle se jeta à bas du lit, passa sa robe de chambre et ouvrit sa fenêtre. Son père était en bas sur la pelouse. « Je te réveille pour te rassurer, dit-il. Regarde, voici ton ombre en chapeau rond. » Et il lui montrait sur le gazon une ombre portée que la lune dessinait et qui ressemblait en effet assez bien au spectre d'un homme qui eut eu un chapeau rond. C'était une silhouette produite par un tuyau de cheminée en tôle à chapiteau qui s'élevait au-dessus d'un toit voisin. Cosette aussi se mit à rire. Toutes ses suppositions lugubres tombèrent. Et le lendemain, en déjeunant avec son père, elle s'égaya du sinistre jardin hanté par des ombres de tuyaux de poêle. Jean Valjean redevint tout à fait tranquille. Quant à Cosette, elle ne remarqua pas beaucoup si le tuyau de poêle était bien dans la direction de l'ombre qu'elle avait vue ou cru voir, et si la lune se trouvait au même point du ciel. Elle ne s'interrogea point sur cette singularité d'un tuyau de poêle qui craint d'être pris en flagrant délit et qui se retire quand on regarde son ombre. Car l'ombre s'était effacée quand Cosette s'était retournée, et Cosette avait bien cru en être sûre. Cosette se rasséréna pleinement. La démonstration lui parut complète, et qu'il pût y avoir quelqu'un qui marchait le soir ou la nuit dans le jardin, ceci lui sortit de la tête. À quelques jours de là, cependant, un nouvel incident se produisit. Chapitre 3. Enrichi des commentaires de Toussaint. Dans le jardin, près de la grille sur la rue, il y avait un banc de pierre défendu par une charmille du regard des curieux, mais auquel pourtant, à la rigueur, le bras d'un passant pouvait atteindre à travers la grille et la charmille. Un soir de ce même mois d'avril, Jean Valjean était sorti. Cosette, après le soleil couché, s'était assise sur ce banc. Le vent fraîchissait dans les arbres. Cosette songeait. Une tristesse sans objet la gagnait peu à peu. Cette tristesse invincible que donne le soir et qui vient peut-être, qui sait, du mystère de la tombe entrouvert à cette heure-là. Fantine était peut-être dans cette ombre. Cosette se leva, fit lentement le tour du jardin, marchant dans l'herbe inondée de rosée, et se disant à travers l'espèce de somnambulisme mélancolique où elle était plongée, « Il faudrait vraiment des sabots pour le jardin à cette heure-ci, on s'enrhume !» Elle revint au banc. Au moment de s'y rasseoir, elle remarqua à la place qu'elle avait quittée une assez grosse pierre qui n'y était évidemment pas l'instant d'auparavant. Cosette considéra cette pierre, se demandant ce que cela voulait dire. Tout à coup, l'idée que cette pierre n'était point venue sur ce banc toute seule, que quelqu'un l'avait mise là, qu'un bras avait passé à travers cette grille, cette idée lui apparut et lui fit peur. Cette fois, ce fut une vraie peur. Pas de doute possible, la pierre était là. Elle n'y toucha pas, s'enfuit sans oser regarder derrière elle, se réfugia dans la maison et ferma tout de suite au volet, à la barre et au verrou, la porte-fenêtre du perron. Elle demanda à Toussaint « Mon père est-il rentré ?»« Pas encore, mademoiselle. » Nous avons indiqué une fois pour toutes les bégaiements de Toussaint. Qu'on nous permette de ne plus l'accentuer. Nous répugnons à la notation musicale d'une infirmité. Jean Valjean, homme pensif et promeneur nocturne, ne rentrait souvent qu'assez tard dans la nuit. « Toussaint, reprit Cosette, vous avez soin de bien barricader le soir les volets sur le jardin, au moins, avec les barres, et de bien mettre les petites choses en fer dans les petits anneaux qui ferment. « Oh, soyez tranquille, mademoiselle !» Toussaint n'y manquait pas, et Cosette le savait bien. Mais elle ne put s'empêcher d'ajouter « C'est que c'est si désert par ici !»« Pour ça, dit Toussaint, c'est vrai, on serait assassiné avant d'avoir le temps de dire ouf, avec cela que monsieur ne couche pas dans la maison. Mais ne craignez rien, mademoiselle, je ferme les fenêtres comme des bastilles. » Des femmes seules. Je crois bien que cela fait frémir. Vous figurez-vous, voir entrer la nuit des hommes dans la chambre qui vous disent « Tais-toi !» et qui se mettent à vous couper le cou. Ce n'est pas temps de mourir, on meurt, c'est bon, on sait bien qu'il faut qu'on meure. Mais c'est l'abomination de sentir ces gens-là vous toucher. Et puis leur couteau, ça doit mal couper. Ah, Dieu ! Taisez-vous, dit Cosette, fermez bien tout. Cosette, épouvantée du mélodrame improvisé par Toussaint, et peut-être aussi du souvenir des apparitions de l'autre semaine qui lui revenaient, n'osa même pas lui dire « Allez donc voir la pierre qu'on a mise sur le banc, de peur de rouvrir la porte du jardin et que les hommes n'entrassent. » Elle fit clore soigneusement partout les portes et fenêtres, fit visiter par Toussaint toute la maison de la cave au grenier, s'enferma dans sa chambre, mit ses verrous, regarda sous son lit, se coucha et dormit mal. Toute la nuit, elle vit la pierre grosse comme une montagne et pleine de cavernes. Au soleil levant, le propre du soleil levant est de nous faire rire de toutes nos terreurs de la nuit, et le rire qu'on a est toujours proportionné à la peur qu'on a eue. Au soleil levant, Cosette, en s'éveillant, vit son effroi comme un cauchemar et se dit « À quoi ai-je été songé ? C'est comme ces pas que j'avais cru entendre l'autre semaine dans le jardin de la nuit. C'est comme l'ombre du tuyau de poêle. Est-ce que je vais devenir poltronne à présent ?» Le soleil, qui rutilait aux fentes de ses volets et faisait de pourpre les rideaux de Damas, la rassura tellement que tout s'évanouit dans sa pensée, même la pierre. Il n'y avait pas plus de pierre sur le banc qu'il n'y avait d'hommes en chapeau rond dans le jardin. J'ai rêvé la pierre comme le reste. Elle s'habilla, descendit au jardin, courut au banc, et se sentit une sueur froide. La pierre y était. Mais ce ne fut qu'un moment. Ce qui est frayeur la nuit est curiosité le jour. « Bah, dit-elle, voyons donc. » Elle souleva cette pierre qui était assez grosse. Il y avait dessous quelque chose qui ressemblait à une lettre. C'était une enveloppe de papier blanc. Cosette s'en saisit. Il n'y avait pas d'adresse d'un côté, pas de cachet de l'autre. Cependant, l'enveloppe, quoi couverte, n'était point vide. On entrevoyait des papiers dans l'intérieur. Cosette y fouilla. Ce n'était plus de la frayeur, ce n'était plus de la curiosité. C'était un commencement d'anxiété. Cosette tira de l'enveloppe ce qu'elle contenait, un petit cahier de papier dont chaque page était numérotée et portait quelques lignes écrites d'une écriture assez jolie, pensa Cosette, et très fine. Cosette chercha un nom. Il n'y en avait pas. Une signature ? Il n'y en avait pas. À qui cela était-il adressé ? À elle, probablement, puisqu'une main avait déposé le paquet sur son banc. Mais de qui cela venait-il ? Une fascination irrésistible s'empara d'elle. Elle essaya de détourner ses yeux de ses feuillets qui tremblaient dans sa main. Elle regarda le ciel, la rue, les acacias tout trempés de lumière, des pigeons qui volaient sur un toit voisin. Puis tout à coup, son regard s'abaissa vivement sur le manuscrit, et elle se dit qu'il fallait qu'elle sût ce qu'il y avait là-dedans. Voici ce qu'elle lut. Chapitre 4. Un cœur sous une pierre. La réduction de l'univers à un seul être, la dilatation d'un seul être jusqu'à Dieu. Voilà l'amour. L'amour, c'est la salutation des anges aux astres. Comme l'âme est triste quand elle est triste par l'amour. Quel vide que l'absence de l'être qui à lui seul remplit le monde. Oh, comme il est vrai que l'être aimé devient Dieu. On comprendrait que Dieu en fût jaloux si le Père de tout n'avait pas évidemment fait la création pour l'âme, et l'âme pour l'amour. Il suffit d'un sourire entrevu là-bas sous un chapeau de crêpe blanc à bavoler lilas pour que l'âme entre dans le palais des rêves. Dieu est derrière tout, mais tout cache Dieu. Les choses sont noires, les créatures sont opaques. Aimer un être, c'est le rendre transparent. De certaines pensées sont des prières. Il y a des moments où, quelle que soit l'attitude du corps, l'âme est à genoux. Les amants séparés trompent l'absence par mille choses chimériques qui ont pourtant leur réalité. On les empêche de se voir, ils ne peuvent s'écrire. Ils trouvent une foule de moyens mystérieux de correspondre. Ils s'envoient le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, le rire des enfants, la lumière du soleil, les soupirs du vent, les rayons des étoiles, toute la création. Et pourquoi non ? Toutes les œuvres de Dieu sont faites pour servir l'amour. L'amour est assez puissant pour charger la nature entière de ses messages. Ô printemps, tu es une lettre que je lui écris. L'avenir appartient encore bien plus au cœur qu'aux esprits. Aimer, voilà la seule chose qui puisse occuper et emplir l'éternité. À l'infini, il faut l'inépuisable. L'amour participe de l'âme même. Il est de même nature qu'elle. Comme elle, il est étincelle divine. Comme elle, il est incorruptible, indivisible, impérissable. C'est un point de feu qui est en nous, qui est immortel et infini, que rien ne peut borner et que rien ne peut éteindre. On le sent brûler jusque dans la moelle des os et on le voit rayonner jusqu'au fond du ciel. Ô amour, adoration, volupté de deux esprits qui se comprennent, de deux cœurs qui s'échangent, de deux regards qui se pénètrent. Vous me viendrez, n'est-ce pas, bonheur ? Promenades à deux dans les solitudes, journées bénies et rayonnantes. J'ai quelquefois rêvé que de temps en temps, des heures se détachaient de la vie des anges et venaient ici-bas traverser la destinée des hommes. Dieu ne peut rien ajouter au bonheur de ceux qui s'aiment que de leur donner la durée sans fin. Après une vie d'amour, une éternité d'amour, c'est une augmentation en effet. Mais accroître en son intensité même la félicité ineffable que l'amour donne à l'âme dès ce monde, c'est impossible, même à Dieu. Dieu, c'est la plénitude du ciel. L'amour, c'est la plénitude de l'homme. Vous regardez une étoile pour deux motifs, parce qu'elle est lumineuse et parce qu'elle est impénétrable. Vous avez auprès de vous un plus doux rayonnement et un plus grand mystère. La femme. Tous qui ne nous soyons, nous avons nos êtres respirables. S'ils nous manquent, L'air nous manque, nous étouffons. Alors, on meurt. Mourir par manque d'amour, c'est affreux. L'asphyxie de l'âme. Quand l'amour a fondu et mêlé deux êtres dans une unité angélique et sacrée, le secret de la vie est trouvé pour eux. Ils ne sont plus que les deux termes d'une même destinée. Ils ne sont plus que les deux ailes d'un même esprit. Aimer, planer. Le jour où une femme qui passe devant vous dégage de la lumière en marchant, vous êtes perdu. Vous aimez. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Penser à elle si fixement qu'elle soit contrainte de penser à vous. Ce que l'amour commence ne peut être achevé que par Dieu. L'amour vrai se désole et s'enchante pour un gant perdu ou pour un mouchoir trouvé, et il a besoin de l'éternité pour son dévouement et ses espérances. Il se compose à la fois de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Si vous êtes pierre, soyez aimant. Si vous êtes plante, soyez sensitive. Si vous êtes homme, soyez amour. Rien ne suffit à l'amour. On a le bonheur, on veut le paradis. On a le paradis, on veut le ciel. Ô vous qui vous aimez, tout cela est dans l'amour. Sachez l'y trouver. L'amour a autant que le ciel la contemplation, et de plus que le ciel la volupté. Vient-elle encore au Luxembourg? Non, monsieur. C'est dans cette église qu'elle entend la messe, n'est-ce pas? Elle n'y vient plus. Habite-t-elle toujours cette maison? Elle est déménagée. Où est-elle allée demeurer? Elle ne l'a pas dit. Quelle chose sombre de ne pas savoir l'adresse de son âme. L'amour a des enfantillages, les autres passions ont des petitesses. Honte aux passions qui rendent l'homme petit. Honneur à celle qui le fait enfant. C'est une chose étrange, savez-vous cela? Je suis dans la nuit. Il y a un être qui, en s'en allant, a emporté le ciel. Oh, être couché côte à côte dans le même tombeau, la main dans la main, et de temps en temps, dans les ténèbres, nous caresser doucement un doigt, cela suffirait à mon éternité. Vous qui souffrez parce que vous aimez, aimez plus encore. Mourir d'amour, c'est en vivre. Aimer, une sombre transfiguration étoilée est mêlée à ce supplice. Il y a de l'extase dans l'agonie. Oh, joie des oiseaux, c'est parce qu'ils ont le nid qu'ils ont le chant. L'amour est une respiration céleste de l'air du paradis. Cœur profond, esprit sage, prenez la vie comme Dieu l'a fait. C'est une longue épreuve, une préparation inintelligible à la destinée inconnue. Cette destinée, la vraie, commence pour l'homme à la première marche de l'intérieur du tombeau. Alors, il lui apparaît quelque chose et il commence à distinguer le définitif. Le définitif, songez à ce mot. Les vivants voient l'infini, le définitif ne se laisse voir qu'aux morts. En attendant, aimez et souffrez, espérez et contemplez. Malheur, hélas, à qui n'aura aimé que des corps, des formes, des apparences. La mort lui ôtera tout. Tâchez d'aimer des âmes, vous les retrouverez. J'ai rencontré dans la rue un jeune homme très pauvre qui aimait. Son chapeau était vieux, son habit était usé, il avait les coudes troués, l'eau passait à travers ses souliers et les astres à travers son âme. Quelle grande chose, être aimé! Quelle chose plus grande encore, aimer! Le cœur devient héroïque à force de passion. Il ne se compose plus de rien que de pur. Il ne s'appuie plus sur rien que d'élevé et de grand. Une pensée indigne n'y peut pas plus germer qu'une ortie sur un glacier. L'âme haute et sereine, inaccessible aux passions et aux émotions vulgaires, dominant les nuées et les ombres de ce monde, les folies, les mensonges, les haines, les vanités, les misères, habite le bleu du ciel et ne sent plus que les ébranlements profonds et souterrains de la destinée, comme le haut des montagnes sent les tremblements de terre. S'il n'y avait pas quelqu'un qui aime, le soleil s'éteindrait. Chapitre 5. Cosette, après la lettre. Pendant cette lecture, Cosette entrait peu à peu en rêverie. Au moment où elle levait les yeux de la dernière ligne du cahier, le bel officier, c'était son heure, passa triomphant devant la grille. Cosette le trouva hideux. Elle se remit à contempler le cahier. Il était écrit d'une écriture ravissante, pensa Cosette. De la même main, mais avec des encres diverses, tantôt très noires, tantôt blanchâtres, comme lorsqu'on met de l'eau dans l'encrier, et par conséquent à des jours différents. C'était donc une pensée qui s'était épanchée là, soupir à soupir, irrégulièrement, sans ordre, sans choix, sans but, au hasard. Cosette n'avait jamais rien lu de pareil. Ce manuscrit, où elle voyait plus de clarté encore que d'obscurité, lui faisait l'effet d'un sanctuaire entrouvert. Chacune de ces lignes mystérieuses resplendissait à ses yeux et lui inondait le cœur d'une lumière étrange. L'éducation qu'elle avait reçue lui avait parlé toujours de l'âme et jamais de l'amour, à peu près comme qui parlerait du tison et point de la flamme. Ce manuscrit de 15 pages lui révélait brusquement et doucement tout l'amour, la douleur, la destinée, la vie, l'éternité, le commencement, la fin. C'était comme une main qui se serait ouverte et lui aurait jeté subitement une poignée de rayons. Elle sentait dans ces quelques lignes une nature passionnée, ardente, généreuse, honnête, une volonté sacrée, une immense douleur et un espoir immense, un cœur serré, une extase épanouie. Qu'était-ce que ce manuscrit ? Une lettre. Lettre sans adresse, sans nom, sans date, sans signature, pressante et désintéressée. Énigme composée de vérité. Message d'amour fait pour être apporté par un ange, élu par une vierge. Rendez-vous donné hors de la terre. Billet doux d'un fantôme à une ombre. C'était un absent tranquille et accablé qui semblait prêt à se réfugier dans la mort et qui envoyait à l'absente le secret de la destinée, la clé de la vie, l'amour. Cela avait été écrit le pied dans le tombeau et le doigt dans le ciel. Ces lignes, tombées une à une sur le papier, étaient ce qu'on pourrait appeler des gouttes d'âme. Maintenant, ces pages, de qui pouvaient-elles venir ? Qui pouvait les avoir écrites ? Cosette n'hésita pas une minute. Un seul homme, lui. Le jour s'était refait dans son esprit. Tout avait reparu. Elle éprouvait une joie inouïe et une angoisse profonde. C'était lui, lui qui lui écrivait, lui qui était là, lui dont le bras avait passé à travers cette grille. Pendant qu'elle l'oubliait, il l'avait retrouvée. Mais est-ce qu'elle l'avait oublié ? Non, jamais. Elle était folle d'avoir cru cela un moment. Elle l'avait toujours aimé, toujours adoré. Le feu s'était couvert et avait couvé quelque temps, mais elle le voyait bien. Il n'avait fait que creuser plus avant. Et maintenant, il éclatait de nouveau et l'embrasait tout entière. Ce cahier était comme une flamèche tombée de cette autre âme dans la sienne. Et elle sentait recommencer l'incendie. Elle se pénétrait de chaque mot du manuscrit. « Oh oui, disait-elle, comme je reconnais tout cela, c'est tout ce que j'avais déjà lu dans ses yeux. » Comme elle l'achevait pour la troisième fois, le lieutenant Théodule revint devant la grille et fit sonner ses éperons sur le pavé. Force fut à Cosette de lever les yeux. Elle le trouva fade, niais, sot, inutile, fat, déplaisant, impertinent et très laid. L'officier crut devoir lui sourire. Elle se détourna, honteuse et indignée. Elle lui aurait volontiers jeté quelque chose à la tête. Elle s'enfuit, rentra dans la maison et s'enferma dans sa chambre pour relire le manuscrit, pour l'apprendre par cœur et pour songer. Quand elle l'eut bien lu, elle le baisa et le mit dans son corset. C'en était fait. Cosette était retombée dans le profond amour séraphique. L'abîme Éden venait de se rouvrir. Toute la journée, Cosette fut dans une sorte d'étourdissement. Elle pensait à peine. Ses idées étaient à l'état d'écheveaux brouillés dans son cerveau. Elle ne parvenait à rien conjecturer. Elle espérait à travers un tremblement, quoi ? Des choses vagues. Elle n'osait rien se promettre et ne voulait rien se refuser. Des pâleurs lui passaient sur le visage et des frissons sur le corps. Il lui semblait par moments qu'elle entrait dans le chimérique. Elle se disait « Est-ce réel ?» Alors elle tâtait le papier bien-aimé sous sa robe. Elle le pressait contre son cœur. Elle en sentait les angles sur sa chair. Et si Jean Valjean l'eût vu en ce moment, il eût frémi devant cette joie lumineuse et inconnue qui lui débordait des paupières. « Oh oui, pensait-elle, c'est bien lui. Ceci vient de lui pour moi. » Et elle se disait qu'une intervention des anges, qu'un hasard céleste, le lui avait rendu. Oh transfiguration de l'amour, oh rêve, ce hasard céleste, cette intervention des anges, c'était cette boulette de pain lancée par un voleur à un autre voleur, de la cour Charlemagne à la fosse aux lions, par-dessus les toits de la force. Chapitre 6. Les vieux sont faits pour sortir à propos. Le soir venu, Jean Valjean sortit. Cosette s'habilla, elle arrangea ses cheveux de la manière qui lui allait le mieux, et elle mit une robe dont le corsage, qui avait reçu un coup de ciseau de trop et qui, par cette échancrure, laissait voir la naissance du cou, était, comme disent les jeunes filles, un peu indécent. Ce n'était pas le moins du monde indécent, mais c'était plus joli qu'autrement. Elle fit toute cette toilette, sans savoir pourquoi. Voulait-elle sortir ? Non. Attendait-elle une visite ? Non. À la brune, elle descendit au jardin. Toussaint était occupé à sa cuisine qui donnait sur l'arrière-cour. Elle se mit à marcher sous les branches, les écartant de temps en temps avec la main parce qu'il y en avait de très basses. Elle arriva au banc. La pierre y était restée. Elle s'assit et posa sa douce main blanche sur cette pierre comme si elle voulait la caresser et la remercier. Tout à coup, elle eut cette impression indéfinissable qu'on éprouve, même sans voir, lorsqu'on a quelqu'un debout derrière soi. Elle tourna la tête et se dressa. C'était lui. Il était tête nue, il paraissait pâle et amaigri. On distinguait à peine son vêtement noir. Le crépuscule blêmissait son beau front et couvrait ses yeux de ténèbres. Il avait, sous un voile d'incomparable douceur, quelque chose de la mort et de la nuit. Son visage était éclairé par la clarté du jour qui se meurt et par la pensée d'une âme qui s'en va. Il semblait que ce n'était pas encore le fantôme et que ce n'était déjà plus l'homme. Son chapeau était jeté à quelques pas dans les broussailles. Cosette, prête à défaillir, ne poussa pas un cri. Elle reculait lentement, car elle se sentait attirée. Lui ne bougeait point. À je ne sais quoi d'ineffable et de triste qui l'enveloppait, elle sentait le regard de ses yeux qu'elle ne voyait pas. Cosette, en reculant, rencontra un arbre et s'y adossa. Sans cet arbre, elle fut tombée. Alors elle entendit sa voix, cette voix qu'elle n'avait vraiment jamais entendue, qui s'élevait à peine au-dessus du frémissement des feuilles et qui murmurait « Pardonnez-moi, je suis là. J'ai le cœur gonflé. Je ne pouvais pas vivre comme j'étais. Je suis venue. Avez-vous lu ce que j'avais mis là, sur ce banc ? Me reconnaissez-vous un peu ? N'ayez pas peur de moi. Voilà du temps déjà. Vous rappelez-vous le jour où vous m'avez regardé ? C'était dans le Luxembourg, près du Gladiateur. Et le jour où vous avez passé devant moi ? C'était le 16 juin et le 2 juillet. Il va y avoir un an. Depuis bien longtemps, je ne vous ai plus vu. J'ai demandé à la loueuse de chaises. Elle m'a dit qu'elle ne vous voyait plus. Vous demeuriez rue de l'Ouest au 3e sur le devant, dans une maison neuve. Vous voyez que je sais. Je vous suivais, moi. Qu'est-ce que j'avais à faire ? Et puis vous avez disparu. J'ai cru vous voir passer une fois que je lisais les journaux sous les arcades de l'Odéon. J'ai couru. Mais non, c'était une personne qui avait un chapeau comme vous. La nuit, je viens ici. Ne craignez pas, personne ne me voit. Je viens regarder vos fenêtres de près. Je marche bien doucement pour que vous n'entendiez pas, car vous auriez peut-être peur. L'autre soir, j'étais derrière vous. Vous vous êtes retourné, je me suis enfui. Une fois, je vous ai entendu chanter. J'étais heureux. Est-ce que cela vous fait quelque chose que je vous entende chanter à travers le volet ? Cela ne peut rien vous faire. Non, n'est-ce pas ? Voyez-vous, vous êtes mon ange. Laissez-moi venir un peu. Je crois que je vais mourir. Si vous saviez, je vous adore, moi. Pardonnez-moi, je vous parle, je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous fâche peut-être. Est-ce que je vous fâche ? Oh, ma mère, dit-elle. Et elle s'affaissa sur elle-même comme si elle se mourait. Il la prit, elle tombait. Il la prit dans ses bras. Il la serra étroitement sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Il la soutenait tout en chancelant. Il était comme s'il avait la tête pleine de fumée. Des éclairs lui passaient entre les cils. Ses idées s'évanouissaient. Il lui semblait qu'il accomplissait un acte religieux et qu'il commettait une profanation. Du reste, il n'avait pas le moindre désir de cette femme ravissante dont il sentait la forme contre sa poitrine. Il était éperdu d'amour. Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia. « Vous m'aimez donc ?» Elle répondit d'une voix si basse que ce n'était plus qu'un souffle qu'on entendait à peine. « Tais-toi, tu le sais. » Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme, superbe et enivré. Il tomba sur le banc, elle près de lui. Il n'avait plus de parole. Les étoiles commençaient à rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent ? Comment se fait-il que l'oiseau chante, que la neige fonde, que la rose s'ouvre, que mai s'épanouisse, que l'aube blanchisse derrière les arbres noirs, au sommet frissonnant des collines ? Un baiser. Et ce fut tout. Tous deux tressaillirent, et ils se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la terre humide, ni l'herbe mouillée. Ils se regardaient, et ils avaient le cœur plein de pensées. Ils s'étaient pris les mains, sans savoir. Elle ne lui demandait pas. Elle n'y songeait pas même. Par où il était entré et comment il avait pénétré dans le jardin. Cela lui paraissait si simple qu'il fut là. De temps en temps, le genou de Marius touchait le genou de Cosette et tous deux frémissaient. Par intervalle, Cosette bégayait une parole. Son âme tremblait à ses lèvres comme une goutte de rosée à une fleur. Peu à peu, ils se parlèrent. L'épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était sereine et splendide au-dessus de leur tête. Ces deux êtres, purs comme des esprits, se dirent tout. Leurs songes, leurs ivresses, leurs extases, leurs chimères, leurs défaillances. Comme ils s'étaient adorés de loin, comme ils s'étaient souhaités. leur désespoir quand ils avaient cessé de s'apercevoir. Ils se confièrent dans une intimité idéale que rien déjà ne pouvait plus accroître, ce qu'ils avaient de plus caché et de plus mystérieux. Ils se racontèrent, avec une foi candide dans leurs illusions, tout ce que l'amour, la jeunesse et ce reste d'enfance qu'ils avaient leur mettaient dans la pensée. Ces deux cœurs se versèrent l'un dans l'autre, de sorte qu'au bout d'une heure, c'était le jeune homme qui avait l'âme de la jeune fille, et la jeune fille qui avait l'âme du jeune homme. Ils se pénétrèrent, ils s'enchantèrent, ils s'éblouirent. Quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda « Comment vous appelez-vous ? » « Je m'appelle Marius, » dit-il. « Et vous ? » « Je m'appelle Cosette. »